Caprice de lecture sur Fadjet, animée par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel opus de Caprice de lecture, où aujourd'hui je ne reçois pas d'auteur ni d'illustrateur, mais je reçois deux libraires hyper dynamiques, de la librairie Entre les lignes à Pont-à-Mousson, qui est située Place du Roc. Donc Cyril et Nicolas, je n'ai pas fait d'erreur cette fois-ci. Ouf. Bonjour les garçons, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui dans l'émission. Ça me tenait vraiment à cœur parce que vous avez une énergie folle et vous donnez envie de rentrer dans la librairie. Donc, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça. Alors, le principe de l'émission, il va y avoir à peu près 5 questions qui vont tourner quasi exclusivement autour de la librairie et de sa création. 2 coupures musicales de votre choix que vous nous expliquerez. Et en fin d'émission, vous nous donnerez votre mot préféré de la langue française qui soit récent ou ancien, mais le mot qui vous file la pêche ou qui vous évoque des souvenirs. D'accord ? Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Ok, ils sont super chauds. Alors, vous êtes donc tous les deux à la librairie. Comme je le disais, elle est située Place du Roc à Pont-à-Mousson. Comment est née son histoire ? Comment d'un seul coup vous vous êtes dit, allez hop, on ouvre une librairie ensemble ? Bah alors, on travaillait tous les deux à la FNAC de Pont-à-Mousson et... Ouais. Et un jour, elle a fermé, malheureusement. Ok. Et donc, nous, on souhaitait continuer à travailler ensemble et à travailler dans le domaine du livre. C'est votre truc ? Ouais. À tous les deux ? Ouais. Ok, parce que quelquefois, il y a des gens qui font par défaut. Mais vous, c'est vraiment votre passion, c'est le livre. Oui, okay. Enfin, c'est l'une de nos passions. Ok. Ah, il y en a d'autres ? Il y en a d'autres. Ok. Et du coup, on s'est lancé dans ce projet. Nicolas avait cette idée en tête et il voulait la faire avec moi. Donc, j'ai accepté. Puis, on a bossé dessus pendant un an et demi. Et... Ah ouais. Et aujourd'hui, on est là. Ah, c'est chouette. Et pourquoi plus lui que quelqu'un d'autre, Nicolas ? En fait, on avait la même manière de travailler, en fait. Ouais. Puis on se complétait bien, et parce que c'est devenu aussi un ami, donc, ouais. Donc voilà. Ah, c'est chouette. Vous vous levez le matin, vous allez retrouver un ami. Ouais, c'est ça. C'est top. Et est-ce que l'un d'entre vous a plus de compétences ou de talents dans un domaine, alors je sais pas, je raconte n'importe quoi, plutôt dans la gestion ou l'accueil public, où vous êtes vraiment tous les deux sur le même niveau, voilà, par exemple. Hein. Je dirais que Cyril a un peu plus de compétences en termes de gestion, c'est lui qui sait à quel moment il faut qu'on fasse les retours, parce qu'on peut retourner les livres. Ouais. Donc c'est lui qui a un peu plus l'œil là-dessus, sur les comptes, sur le stock, tout ça. Lui, mais, la partie plutôt comptable, entre guillemets. Ok. Moi, plus le côté com, c'est plus mon... Donc il y a plutôt un homme de l'ombre, et puis un homme... Oui, même si, même si la com est aussi parfois un peu dans l'ombre aussi, parce qu'on ne sait pas qui communique, surtout sur les réseaux. On communique en notre nom tous les deux, donc en fait... Mais vos compétences sont partagées, même si vous êtes complémentaires. Tout à fait. Ah, c'est chouette. Alors, moi, j'ai été furtée un petit peu voir tout ce que vous faites. Évidemment, je ne reçois pas un invité si je ne sais pas ce qu'il fait. Vous avez un site internet plutôt très bien fait, on s'y retrouve bien, une chaîne YouTube, un Facebook que vous maniez du tonnerre. Alors, par contre, je ne sais pas si vous êtes sur Instagram, parce que je fais partie des vintage qui sont pas trop Instagram ou qui partagent des vidéos de bébés chiens et qui rigolent. Voilà, mais moi, je manie pas trop cet outil-là. Est-ce que vous êtes aussi sur Insta ? Oui. OK. TikTok ? TikTok, quand on fait nos petites vidéos d'une minute, on les met sur TikTok, mais là, ça fait un moment qu'on n'en a pas fait parce que notre caméraman est... J'ai un problème de caméraman. Voilà, c'est ça. D'accord. Très bien. Caméra-woman, plutôt. Ouais. Caméra-woman, d'accord. Très bien. Et du coup, vous présentez à chaque fois, moi, j'ai quand même bien regardé, des choses différentes et très intéressantes, et vous n'hésitez pas à dire si vous avez aimé ou pas. Ça, c'est très important, je trouve, parce que même en vidéo, vous êtes quand même une référence pour les gens qui vont rentrer dans la librairie. Et je suppose que si vous dites « ce roman-là, il est vraiment très bien », les gens vont l'acheter. Vous avez peut-être aussi des habitués qui vous font confiance. Ah oui, ça, il y en a beaucoup. Ouais. Mais ça, c'est l'une des valeurs qu'on souhaitait avoir et qu'on aura pour toujours, c'est l'honnêteté. Ouais. Si on n'a pas aimé quelque chose, on expliquera pourquoi. Moi, ça m'est déjà arrivé de vendre des romans que j'ai pas aimés. Tu dis que t'as pas aimé. Ah oui, je le dis. Ouais. Après, ça n'empêche pas que le roman peut être très bien. Mais bien ne veut pas dire avoir aimé. Moi, je travaille en bibliothèque et quand quelqu'un prend un roman et me demande ce que j'en pense, si j'ai pas aimé, je le dis. Mmh. J'explique pourquoi j'ai pas aimé. Mais la lecture, c'est quelque chose de tellement subjectif. C'est pas parce que j'ai pas aimé que la personne n'aimera pas. Mais on est quand même, alors vous, encore plus en librairie, je crois, la référence. Là, pour la BD que vous aviez présentée, Tunnel, ça l'avait marqué, cette BD. Y en a un de vous deux qui n'a pas forcément accroché, je crois que c'est toi. Oui, c'est moi, oui. Cyril. Oui, Cyril. Eh bien, comme ça, de premier abord, je me dis, ben, peut-être que je n'irai pas la lire. Oui. Parce qu'il y a toujours cette espèce d'aura du professionnel qui... Voilà, quoi. Mais comment vous trouvez le temps? Parce que je me dis, alors, il y a les heures d'ouverture de la librairie. Je suppose vous recevez des cartons de bouquins qu'il faut mettre en rayon, vous agencez, vous faites de la déco, vous conseillez les gens. Vous faites ça quand? Pour animer autant? Alors, les vidéos, nous, on les tourne après, après la fermeture, okay. Donc le soir. Vous faites plusieurs prises ou pas? Oui. Ah ouais. On fait plusieurs prises. Alors, le tournage d'une vidéo ou de plusieurs petites, ça prend à peu près 1h30, je dirais. Ok. Ouais. Et puis après, bon, il y a le travail de montage. Alors là, c'est moi qui le fais tout seul, qui peut prendre entre 1h30 et 3h si c'est des grandes vidéos comme celles qu'on trouve sur YouTube. Ouais. Donc après. Après, c'est des choses, c'est du temps qu'on prend sur notre temps personnel, mais moi, personnellement, le montage, moi, j'adore faire ça. Enfin, j'ai fait des études aussi de cinéma, donc j'ai quelques notions là-dessus. Ouais. C'est quelque chose qui me plaît, qui me plaît beaucoup. Donc, je vois pas ça comme un fardeau. C'est plus un plaisir, en fait. Ok, d'accord. On va faire une première coupure musicale. De ton choix, Cyril. On va commencer par ta coupure musicale. Okay. Est-ce que tu peux nous dire donc qui est l'artiste et pourquoi le choix du morceau? Alors, il s'appelle Bakar et le morceau s'appelle Alive. Ok. Je l'ai choisi parce que il donne la pêche et il donne envie de se sentir vivant. Très bien. Toi, le matin, t'écoutes ça et t'es bien. Ouais, je l'écoute un peu tous les jours en ce moment. Ok. Ça tourne en boucle dans la librairie. Ok, moi, je suis plutôt sur Michael Jackson en ce moment depuis que j'ai été voir Michael. Je suis au taquet avec ça, mais c'est bien. Très très bien, bah écoute, on écoute ça tout de suite, on le découvre et on se retrouve juste après pour la deuxième partie d'émission. Wanna free my mind, wanna be outside, wanna be alive, pray I wake up again. Wanna free my mind, wanna be outside. Wanna be alive, pray I wake up again. Wanna free my mind. Wanna be outside. Wanna be alive, pray I wake up again. Wanna free my mind. Wanna be outside. Wanna be alive, pray I wake up again. I know the sunshine isn't promised, so I put it in my pocket. Winter taught me rotten, all these seasons I've forgotten. July told me a lie, can't be just crossed again. You was a straw, the bend. Told you tonight wasn't the time. Said your goodbyes to me, it was a sight. What did I expect? You said it with your chest. Your eyes wouldn't lie if you wanted them to. So what did I expect? You said it with your chest. Your eyes wouldn't cry if you wanted them to. Huh? Wanna free my mind. Wanna be outside. Wanna be alive. Pray I wake up again. Wanna free my mind. Wanna be outside. Wanna be alive. Pray I wake up again. Wanna free my mind. Wanna be outside. Wanna be alive. Pray I wake up again. Wanna free my mind. Wanna be outside. Wanna be alive. Pray I wake up again. Get back home. Home is where I wanna be with you. know how wolf will fight to get to you. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette deuxième partie d'émission, toujours en présence de Cyril et Nicolas, les gérants, vous êtes gérants ? Oui, co-gérants. Les co-gérants de la librairie Entre les Lignes qui se situe Place du Roc à Pont-à-Mousson et qui a ouvert ses portes depuis novembre 2025. Alors, les octobre 2025. Oh pardon, octobre. C'est pas grave. Excuse-moi, décidément, je... Voilà. Les garçons, moi, je trouve que vous dépoussiérez le métier de libraire. On a une image de la librairie, mais beaucoup de gens ont cette image où c'est un endroit où il ne faut pas faire de bruit, peut-être un peu poussiéreux aussi, quelquefois, avec un vieux libraire derrière son comptoir où c'est toujours le bazar, etc. Quelles sont la réaction des clients depuis l'ouverture de la librairie? Quelles sont les plus belles réactions que vous ayez pu avoir? Alors, plus belles ou plus étonnantes réactions? Alors, merci d'être là, en fait. C'est surtout ça, les réactions qu'on a eues. Ouais, ça manquait. Ouais. Ça manquait. En fait, depuis la fermeture de la FNAC, alors, il y avait encore une petite librairie qui s'appelait Papier Cadeau, qui était encore présente, mais le gérant avait des soucis de santé, enfin c'est ce qu'on nous a dit, et puis donc ses amplitudes horaires se réduisaient. Ah oui. Donc c'était, voilà, il n'y avait plus que ça à Pont-à-Mousson depuis donc, la fermeture de la FNAC qui était en novembre 2024. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà, quand on est arrivé, nous, quand on a ouvert quasiment un an après la fermeture de la FNAC, beaucoup de personnes nous ont dit c'est chouette, merci, ouais. Ça manquait, ce genre de choses. Ouais. Et c'est des clients réguliers ? On a retrouvé pas mal de clients que nous envoyait à la FNAC. Ok, donc ils vous connaissent en plus. Oui, et après on a eu aussi d'autres personnes, d'autres clients qu'on avait. Avec le bouche à oreille. Ouais. Puis après il y a aussi des clients de librairie, de librairie justement. Des clients qui ne vont pas à la FNAC, okay. Qui sont plutôt des clients de librairie, donc qui ne venaient pas à la FNAC, et qui, sachant qu'il y a une librairie indépendante qui ouvrait, viennent nous voir. Sympa. Ouais. Ok. Et du coup, je pense que c'est votre authenticité qui marche bien aussi. Oui, je pense. Après, c'est à eux de le dire. Je pense. Mais... Ça marche bien. Et vous proposez tous les types de littérature. Il y a de la jeunesse, j'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps là, sur la New Romance qui explose tous les records de vente de littérature, je suppose que vous en proposez aussi. Est-ce qu'il y a un rayon qui marche plus que les autres? Est-ce que vous constatez peut-être un amour certain, peut-être pour la BD adulte, le roman graphique ou que sais-je? Est-ce qu'il y a des choses qui émergent un peu plus? Oui, il y a des rayons qui fonctionnent mieux que d'autres. Et il y en a d'autres qui aussi ont pas mal dégringolé, ouais, notamment les mangas. Ça dégringole. Ah oui, oui. Ça y est, l'âge d'or est terminé. En tout cas, au national, c'est le cas, c'est en chute. Et puis nous, en tout cas chez nous, ça fonctionne pas des masses, quoi. Donc ça chute un peu. On diminue la quantité de mangas. Après, on augmente tout ce qui est roman, littérature blanche, on a augmenté. Et bande dessinée, c'était ça se vendait déjà bien à la FNAC. Ouais. Et on trouve que, enfin, en tout cas, on n'a pas peut-être pas assez misé là-dessus au départ. Ok. Après, c'est compliqué d'être vraiment dans l'air du temps. Puis il y a tellement de propositions. En fait, il y a je sais pas combien de sorties par mois. On parle même pas de la rentrée littéraire, que ça doit être hyper compliqué. Enfin, je pense que quand vous faites vos commandes de stock, etc. Et sur quoi on mise pour être sûr? Enfin, c'est pas simple. Il y en a énormément. Il y en a peut-être même, enfin, en tout cas, à mon goût, un peu trop. Ouais. Oui, bah, si on prend l'exemple, juste pour prendre, juste Hachette, par exemple, c'est entre 1000 et 1500 sorties par mois. Juste pour un distributeur, c'est déjà énorme. Et tu peux pas avoir les 1500, c'est strictement impossible pour un éditeur, c'est pas... Oui, bah, ça serait, c'est impossible d'avoir les 1500 déjà pour une question de trésorerie de place également. Par contre, s'il y en a un qui émerge, vous sentez qu'il émerge, là, vous allez peut-être aller en commander du coup. Ah oui, bah après, il y a de tout, hein. C'est vraiment 1500 références, mais tout est mélangé, ça va de la roman au manga, enfin c'est de la jeunesse, du tout petit... Et on vient nous dire que les gens ne lisent plus. Ça, c'est... En tout cas, nous, on trouve que c'est faux. Moi aussi, je trouve que c'est faux. Ils lisent différemment. C'est pas la même chose. Moi, je crois. Les gens lisent différemment. Ils ne lisent pas plus. Et ils lisent différemment. Et quand on vient nous dire que les jeunes ne lisent plus parce qu'ils sont trop sur les écrans, non, ils lisent différemment. Parce qu'on compare toujours à des études qu'on va... 20, même 15 ou 20 ans en arrière, mais il y a 15 ou 20 ans, il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas tout ça. Et là, il y a tellement de billets pour lire... Que, en fait, je trouve que le stat est déjà biaisé de toute façon, à la base. C'est pas parce qu'ils prennent pas un livre dans les mains qu'ils lisent pas, en fait. Enfin, mais ça, c'est mon analyse. Et je pense que ce que vous me dites, ça marche plutôt pas mal. Ouais, bah moi, je suis assez d'accord. Après, je pense que Nico aussi. Les jeunes filles disent beaucoup. Ouais, les garçons, beaucoup moins. Mais ouais, nous, ce qu'on a pu constater par rapport aux clients qui franchissent notre porte, c'est surtout des jeunes filles. D'accord. Les jeunes filles qui lisent, les jeunes garçons, eux, je pense, ou le manga pour ceux qui s'y intéressent, ou ils ont d'autres passions, comme le sport, tout ça, qui est progression. Enfin, les salles de sport sont... On est sur l'adolescence, donc il se passe plein de choses à l'adolescence, et je crois que le dernier souci des garçons, c'est aller chercher un bouquin pour lire, quoi. Enfin, à mon sens, hein, mais voilà, parce qu'il faut aussi travailler avec la psychologie des ados. Enfin voilà, ils sont tout le temps fatigués, ils dorment 15 heures par jour et ils sont fatigués. Ils font que manger, ils sont fatigués. Enfin, non, mais faut jouer aussi là-dessus. Il y a plein d'autres facteurs. On peut pas dire non, ils lisent plus. Mais pourquoi déjà? Bref. Alors, moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi une journée standard dans la journée de Cyril et Nicolas à Entre les Lignes. Une journée standard, on commence à quelle heure? À 10h. Les 10h, 19h du mardi au samedi. Ça, c'est les ouvertures. C'est ça. Et puis, c'est les horaires auxquels on arrive également. Ok, d'accord. Nous, on arrive, on se fait livrer deux fois par semaine. Donc, un jour de livraison comme un jour sans livraison, on arrive à 10h, enfin, un petit peu avant, mais on ouvre pour 10h et on se prépare, on ouvre la caisse, tout ça, on allume les lumières, on met de la musique, on prépare, on met notre panneau dehors, enfin, on prépare. Vous offrez le café ou pas? Non. Ah ouais, non, une idée. Hein. Ouais. C'est juste une idée comme ça. Vous le faites payer? Non plus. Non, plaisante. Et ok. Et voilà, on arrive, du coup, on ouvre et puis on commence. Si on a des livraisons, on commence à déballer nos cartons tout en s'occupant des clients en même temps. Vous arrivez à faire les deux sans problème? Oui. Oui, c'est. En tout cas, nous, ça ne nous semble pas très compliqué. En tout cas, ça va. Après, vous arrivez à tout faire cohabiter ensemble. En fait, on travaillait déjà comme ça à la FNAC de Pont-de-Mousson. Vous avez gardé ces méthodes-là, du coup? Oui, en fait, on a gardé beaucoup de process qu'on avait à la FNAC de Pont-de-Mousson. Okay. Enfin, on a gardé ceux qui nous paraissaient le plus pertinents. Ok, et puis cohérents avec votre projet par la suite, du coup. C'est ça. Hein? Ok. Et puis, pareil, les pauses de midi, nous, on mange, vu qu'on est ouvert entre midi et 14h. Oui. On mange au comptoir. Au comptoir, ça dérange pas les clients. Au contraire, ils ont l'impression de rentrer un peu dans. Ils rentrent un peu à la maison, quoi. C'est ça. Ils viennent faire un tour et rentrent un peu à la maison. Vous êtes là, vous mangez, ça gêne pas. Enfin, oui, c'est ça. Enfin, moi, je sais que ça ne me choquerait pas. Mmh. Voilà, alors qu'il y a des endroits où là, il faut presque se cacher pour manger ou boire de l'eau. Calmons-nous. Ça va bien. Alors, on va faire une. Deuxième coupure musicale de ton choix, Nicolas. Oui. Est-ce que tu peux nous donner l'auteur, le titre, et puis pourquoi ce choix? Alors, la chanteuse, c'est Reveta Steele. Ok. Le titre de la chanson, c'est Calling You. Alors, c'est une chanson qui est la chanson-titre du film Bagdad Café. Ouais. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Bagdad Café, c'est un film de 87 réalisé par un Allemand, Percy Adlon. Ouais. Et l'histoire, c'est la rencontre improbable entre deux femmes. Une bavaroise qui a été euh, qui a été abandonnée par son mari le long de la route 66 dans le okay. désert, et une tenancière d'un hôtel café un peu miteux. Et voilà, c'est la rencontre de deux personnalités que tout oppose, et leur rencontre va faire naître une belle amitié. Okay. C'est un film que moi j'ai découvert il y a une quinzaine d'années, et qui m'a tout de suite plu pour son humanité et aussi pour son côté un peu surréaliste. Okay. Et voilà, j'ai choisi cette chanson parce qu'elle me touche beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup cette chanson. Très bien. Alors on va la partager et on se retrouvera juste après. A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. A change is coming, coming closer, sweet release. I am calling you. I know you hear me. Can't you Caprice de lecture sur Fadjet. De retour sur les ondes de Fadjet pour Caprice de lecture, pour cette troisième et dernière partie d'émission, toujours en présence de Cyril et Nicolas de la librairie Entre les lignes à Pont-à-Mousson. Alors les garçons, je vous avais demandé de réfléchir, avant qu'on se rencontre, à votre mot préféré de la langue française. Est-ce que vous avez eu le temps d'y réfléchir ? Oui, bon, on y a réfléchi pendant des jours même. Oh, il ne faut pas vous mettre la pression comme ça, ça va. En tout cas, moi, je n'avais pas de mot préféré, toi non plus, je crois. Ouais. Et du coup, on a réfléchi, puis moi, j'en ai eu un qui m'a tout de suite sauté à l'esprit. Bon, après, il n'est pas très joyeux, on va dire. Mais... Eh ben, vas-y, allez, on commence par toi, Cyril, vas-y. Moi, c'est rédemption. Ah oui, effectivement. Ah oui, ça casse l'ambiance. Direct. On était pas mal pourtant, mais bon. Ok. Alors, pourquoi ce mot ? Parce que moi, je trouve qu'il me définit assez bien et parce que dans le climat actuel des choses, quand on voit le monde actuel, je pense que les gens en ont besoin. Ouais. Et du coup, voilà, c'est un mot qui résonne en moi actuellement. J'ai lu des livres sur pas mal de sujets et je pense que... Les gens devraient un peu plus s'intéresser, enfin être un peu plus humains, s'intéresser à leur prochain plutôt que de se battre tous les jours. J'ai eu trois invités avant vous. Les trois m'ont dit la même chose. On est quand même dans un monde avec des mots différents, tu vois, choisis, mais on est tous dans ce truc-là, quoi. C'est quand même dingue. Donc, rédemption. Ouais. Bien. Nicolas. Pour moi, c'est un peu moins profond. Hein. C'est soliloquier. Ah, très joli mot. Non, pour ceux qui ne savent pas, c'est se parler à soi-même. Enfin, voilà. Je le fais souvent. Hein. Et oui, c'est pour ça, moi aussi, je le fais souvent. C'était un mot que j'ai... parce qu'entre le moment où on a quitté la FNAC et on a ouvert notre librairie, j'ai travaillé dans un restaurant. Ouais. Et avec ma collègue en salle, des fois, je lui apprenais des mots qu'elle n'avait pas du tout dans son vocabulaire. Et ce mot-là faisait partie du... Et donc, du coup, elle me regrette un peu. Elle me dit, ouais, sans toi, j'apprendrai plus de mots. Tu peux quand même aller manger au resto de temps en temps. Tu vas l'avoir. Oui. Voilà. Donc, soliloquier, ouais, j'aime bien. En fait, c'est un drôle de mot. Il y a à entendre. Et puis, c'est quelque chose que je pratique un peu comme toi. Il paraît qu'on devient centenaire hein, quand on le fait souvent. Voilà. Donc, on a encore de beaux jours devant nous. En tout cas, merci Cyril et Nicolas d'avoir accepté cette invitation. J'étais ravie de vous recevoir. Merci à toi. En attendant qu'on se retrouve donc dans quelques semaines directement dans vos locaux, je redonne votre adresse, Place du Roc, la librairie Entre les Lignes. Franchement, allez-y, foncez. Ils sont super, hyper motivés et en plus, ils sont hyper honnêtes avec leur avis sur les livres. Et ça compte beaucoup. Merci beaucoup et à bientôt pour Caprice de lecture. Au revoir. Au revoir.